Actes chapitre 17. Puis ayant traversé par Amphipolis et par Apollonie, il vint à Thessalonique, où il y avait une synagogue de Juifs. Et Paul, selon sa coutume s'y rendit, et durant trois sabbats il disputait avec eux par les Écritures, expliquant et prouvant qu'il avait fallu que le Christ souffrît, et qu'il ressuscita des morts, et que ce Jésus, lequel, disait-il, je vous annonce, était le Christ. Et quelques-uns d'entre eux crurent, et se joignirent à Paul et à Sylla, et une grande multitude de Grecs qui servaient Dieu, et des femmes de qualité en assez grand nombre. Mais les Juifs rebelles étant pleins d'envie, prirent quelques fainéants remplis de malice, qui ayant fait un amas de peuple, firent une émeute dans la ville, et qui ayant forcé la maison de Jason, cherchèrent Paul et Sylla pour les amener au peuple. Mais ne les ayant point trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les gouverneurs de la ville, en criant, « Ceux-ci, qui ont remué tout le monde, sont aussi venus ici. » Et Jason les a retirés chez lui, et ils contreviennent toutes ces ordonnances de César, en disant qu'il y a un autre roi, qu'il nomme Jésus. Ils soulevèrent donc le peuple et les gouverneurs de la ville, qui entendaient ces choses. Mais après avoir reçu caution de Jason et des autres, ils les laissèrent aller. Et d'abord les frères mirent de nuit hors de la ville Paul et Sylla, pour aller à Bérée, où étant arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or ceux-ci furent plus généreux que les Juifs de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec toute promptitude, conférant tous les jours les Écritures, pour savoir si les choses étaient telles qu'on leur disait. Plusieurs donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de distinction, et des hommes aussi, en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que la parole de Dieu était aussi annoncée par Paul à Bérée, ils y vinrent, et émurent le peuple. Mais alors les frères firent aussitôt sortir Paul hors de la ville, comme pour aller vers la mer, mais Sylla et Timothée demeurèrent encore là. Et ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté, le menèrent jusqu'à Athènes, et ils en partirent, après avoir reçu ordre de Paul, de dire à Sylla et à Timothée, qu'ils le vinssent bientôt rejoindre. Et comme Paul les attendait à Athènes, son esprit s'aigrissait en lui-même, en considérant cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il disputait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec les dévots, et tous les jours dans la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques-uns d'entre les philosophes épicuriens et d'entre les stoïciens, se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» Et les autres disaient, « Il semble être annonciateur de Dieu étranger, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. » Et l'ayant pris, ils le menèrent dans l'aréopage, et lui dirent, « Ne pourrons-nous point savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges, nous voulons donc savoir ce que veulent dire ces choses. » Or tous les Athéniens, et les étrangers qui demeuraient à Athènes, ne s'occupaient à autre chose qu'à dire ou à lire quelques nouvelles. Paul étant donc au milieu de l'aréopage, leur dit, « Ô Athéniens, je vous vois comme trop dévots en toutes choses. Car en passant et en contemplant vos dévotions, j'ai trouvé même un autel sur lequel était écrit, « Ô Dieu inconnu !» Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains. Et il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, vu que c'est lui qui donne à tout la vie, la respiration, et toute chose. Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain, pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies, et les bornes de leur habitation, afin qu'ils cherchent le Seigneur, pour voir s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant, et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin d'un chacun de nous. Car par lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, selon ce que quelques-uns même de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons point estimer que la divinité soit semblable à l'or, ou à l'argent, ou à la pierre taillée par l'arrêt d'industrie des hommes. Mais Dieu passant par-dessus ces temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils se repentent. Parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger, selon la justice, le monde universel, par l'homme qu'il a destiné pour cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, en l'ayant ressuscité d'entre les morts. Mais quand ils ouïrent ce mot de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient, et les autres disaient, « Nous t'entendrons encore sur cela. » Et Paul sortit ainsi du milieu d'eux. Quelques importants se joignirent à lui, et crurent, entre lesquels même étaient Denis l'Aréopagite, et une femme nommée Damarie, et quelques autres avec eux.